peut arriver un beau jour. Le printemps peut faire l'amour au vent. Les oiseaux se mettent à parler, les roses fanées retrouver leur jeunesse. Tout peut arriver, tu le vois, et même de vivre avec toi longtemps. Comme vivent les gens heureux, sans que nul souvenir entre eux ne les blesse. Tous ceux qui n'ont plus rien, le secours venir d'une main invisible. Tout peut arriver, et pourtant tes rêves sont depuis longtemps amers. Tu dis que notre amour est mort, moi je veux espérer encore l'impossible.